Qui rentre dans nos vies, ne veut plus en sortir. Celui que t'as vu dans une passe inconnue. Tu ralentis pour qu'il remarque. Tu l'as vu que très bien le revoir. Grand bras avec un corps de rêve. Loin de la tête, beauté déclassée. Celui-là, je ne veux pas comme ami. I want to be my life. Take me as a wife. Quand je veux quelque chose, rien ne. Je te laisserai regarder ton foot, je te rendrai pas fou. Je suis piqué, piqué.